Connectez-vous, ça a commencé, Le feu est allumé, le feu de la Pentecôte vient de descendre dans ton corps, ta présence me rassure, ta présence me donne. Il est ton roi, il est ton sauveur, il est ton libérateur. Il est celui qui te fortifie. C'est lui qui t'a libéré. L'Esprit descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. L'Église chante pour l'Éternel, chante pour ton roi. Une autre personne. Après ce séminaire de 40 jours, tu seras changé, C'est là que tu es venu. Bouleversé. Tout sera bouleversé dans ta vie. C'est qui cet homme? Cet homme s'appelle Jésus. L'homme qui marche sur les eaux. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Le tout-puissant. Lui qui retire une personne de la poussière et se fait asseoir avec les hommes et les femmes considérés dans cette vie. Et surtout au ciel. Il te fait entrer dans le ciel. C'est qui cet homme? Il s'appelle Jésus. Si encore, c'est qui cet homme? Il a marché sur les eaux. Qui ôta mon péché? Il est ressuscité. Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui a vaincu la mort? Le monde veut savoir, c'est qui cet homme? Cet homme à la droite du Père. C'est Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. J'étais perdu au milieu d'une tempête, tempête de problèmes, tempête de maladies, tempête des actes de sorcellerie, tempête d'enjouement, tempête de malédiction. Perdu pour aller en enfer. Et il est venu. Jésus. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Balance la main. Alors tu balances la main. Tu célèbres ton roi. Ton roi est là. le roi des rois, c'est fini. Le seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Tu es venu pour changer les gens. C'est le seul qui peut changer l'être humain. De la sorcellerie à la délivrance, de la maladie à la guérison, du péché à la sainteté. Parce que nous sommes tous nés dans le péché originel. Et il est capable de t'introduire dans le royaume des cieux. De la possession à la délivrance. Au milieu d'une tempête, perdu, tu es venu. Et tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Partagez la vidéo. Partagez. Sonnez la trompette. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Remplissez d'eau ces vases. Il est rempli. Le vase, il doit être rempli. Avant le miracle, il faut que tu sois rempli. Parce que Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Il ne peut rien faire si tu n'es pas rempli. Remplissez d'eau ces vases. Vous êtes des vases, nous sommes des vases. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Après les épreuves, comme Job. Je t'aime encore et je te sers encore. Après les épreuves. Merci Jésus. Oublie ces épreuves. Ta présence me change. Ta présence me change. Il est ton roi. Il est ton sauveur. Il est ton libérateur. Il est celui qui te fortifie. Quand je pleure, il te donne la joie. Le bonheur, le vrai bonheur, c'est pas le bonheur que le matériel donne, que les richesses incertaines donnent, mais le bonheur du ciel, la patrie céleste, il donne le vrai bonheur, Jésus de Nazareth. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé. L'Église chante pour l'Éternel. À un autre homme, une autre femme. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et lors de son premier miracle à Jérusalem, il a dit « Remplissez d'eau ces vases. » Il les remplit jusqu'au bord. Vases, nous sommes des vases. Il faudrait que nous soyons remplis pour que le miracle les miracles se produisent. Si nous ne sommes pas remplis, il n'y aura pas du tout le miracle. Parce qu'il a dit de remplir les vases qui étaient là, il fallait que ces vases soient remplis pour qu'il y ait miracle. Nous sommes des miracles, nous sommes des vases. Pour qu'il y ait des miracles, il faut que le vase soit rempli. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alors, cinq jours de prière. Cinquième jour de consécration. Tu sors ton document où tu as écrit tout ce que tu dois consacrer à Dieu pendant ces 40 jours. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été consacrées dans ta vie avant ta naissance, pendant ta naissance et après ta naissance. Et quand tu as commencé à voir les moyens de prendre des décisions pour toi-même. Et il y a eu également des consécrations. Maintenant, une nouvelle ouverture arrive. Un programme de 40 jours de prière. Et les jeûnes, si vous voulez jeûner, vous jeûnez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Pour ceux qui désirent que de nouvelles portes s'ouvrent, que ces nouvelles portes s'ouvrent à eux, que de nouvelles opportunités s'empressent autour d'eux, Ils doivent entrer dans ce programme. Vous voulez que la nouvelle porte, et la principale porte, C'est la porte du ciel. Pour que cette porte s'ouvre pour qui que ce soit dans ce monde, il faudrait que cette personne naisse de nouveau. La nouvelle naissance ouvre la porte du ciel. Aucune religion dans le monde ne peut ouvrir la porte du ciel. Mais c'est seulement la délivrance du péché originel, parce que nous sommes tous nés sous la malédiction adamique. Le fait que vous arrivez à faire confiance à la parole de l'Éternel, Dieu, puisqu'il a dit, c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. C'est lui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et que vous faites confiance à cette parole, et vous voulez recevoir le Fils comme votre sauveur personnel, et vous voulez demeurer dans sa parole, c'est seulement à ce niveau que Dieu aussi va agir dans votre vie. Et Ecclésias chapitre 9, verset 11 dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Et le maître des circonstances s'appelle Dieu. Le maître des circonstances s'appelle Dieu. Ecclésias dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Et qui est le maître du temps? C'est Dieu. Et qui est le maître des circonstances? C'est Dieu. Le Dieu est vraiment excellent, travailler beaucoup, mais s'assurer d'une ouverture profitable vient seulement par inspiration divine, vient seulement par motivation, une motivation qui vient de Dieu, vient seulement par bénédiction, vient seulement par délivrance, vient seulement par consécration. Lorsqu'on consacre sa vie à Dieu, ce n'est pas parce qu'on est beaucoup plus... Il y a des gens qui sont intelligents dans ce monde. Il y a des gens qui sont des travailleurs dans ce monde. Il y a des gens qui ont tout ce qui est nécessaire pour réussir dans cette vie. Ils réussissent même matériellement, financièrement. Mais après leur passage dans ce monde, ils entrent dans les flammes, donc dans la honte éternelle, ce que Dieu a appelé la honte éternelle. Là où vous aboutissez dans la vie n'est pas déterminé par votre performance ou par vos qualifications. Là où vous réussissez dans la vie n'est pas déterminé par votre performance ou par vos qualifications. Cela dépend d'être au bon endroit, au bon moment, et d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et pour être au bon endroit et au bon moment, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Et pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut d'abord recevoir l'Esprit de Dieu. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, vous serez mes témoins à la Samarie et aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Les Écritures précisent que Dieu nous révélera les choses profondes par son Esprit. Il nous révèle des choses profondes. Et au cours de cette retraite qui s'annonce déjà le 15 au 17 novembre, où nous allons nous retirer dans un hôtel particulier, dans un endroit particulier. Également, ce sont des circonstances que Dieu a préparées. C'est un temps précis que Dieu a préparé pour amener la bénédiction, pour amener la délivrance. Et une période particulière, c'est une période de 40 jours, des 40 jours de consécration. C'est pourquoi je vous annonce cette bonne nouvelle, que là où vous aboutissez dans la vie, là où vous allez réussir dans la vie, n'est pas déterminé par votre performance, car il y a des gens qui sont partis de l'Afrique pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Australie, pour l'Asie. Ils n'ont toujours jamais réussi. Ce n'est pas parce que vous partez de l'Afrique et que, comme les familles en Afrique le croient, le pensent, que lorsque j'envoie mon enfant en Europe, c'est déjà un signe de bénédiction, c'est déjà un signe de réussite. Non, non, pas du tout. Ne vous réjouissez pas, ne soyez pas pressés. Si Dieu ne vous accompagne pas, si la main de Dieu ne vous accompagne pas, vous perdez réellement votre temps. Si vous ne serez pas, si Si vous ne serez pas Dieu, comment le Saint-Esprit vous parlera? Si vous ne parvenez pas à servir l'Éternel, il ne peut jamais vous parler, il ne peut jamais habiter dans votre vie. Si vous voulez de nouvelles ouvertures, apprenez à servir Dieu. Si vous voulez de nouvelles ouvertures dans la vie, apprenez à servir Dieu. Et pour servir Dieu, il faut d'abord être habité par le Saint-Esprit. Alors, pour être habité par le Saint-Esprit, il faut passer par la nouvelle naissance. En utilisant tous les points de prière et aussi tout ce que nous donnons comme sujet de prière en même temps. Un thème comme celui-ci où nous parlons de la consécration. De la consécration. De consacrer ton mariage, de consacrer ta santé, de consacrer tes diplômes, de consacrer ta vie professionnelle, de consacrer tes sorties, de consacrer Jésus-Christ chaque matin. Le gars était obligé de consacrer. Vous pensez que Jésus allait sortir tôt dans la matinée? Il se retirait dans un lieu désert. Pourquoi? C'était pour consacrer sa journée. C'était pour consacrer sa journée. Qu'il se retirait. Il ne pouvait pas commencer une journée sans se retirer dans un endroit isolé. C'est pourquoi nous nous retirons spirituellement dans ce programme de 40 jours pour consacrer tout ce que nous allons identifier, tout ce que nous sommes en train d'identifier selon les indications qui seront données tout à l'heure. Nous voyons notre point focal qui est Madame Anne, qui avait consacré son fils Samuel. Et Samuel a été une bénédiction pour tout le corps de Christ jusqu'à ce jour. Une bénédiction pour toute l'humanité parce qu'il a été consacré. Ton entreprise sera une bénédiction parce qu'elle est consacrée en cette période. Je dis bien une bénédiction, ton entreprise. Ton mariage sera une bénédiction parce qu'il est consacré en cette période. Il n'existe pas encore. Il n'est même pas encore visible. Mais il sera une bénédiction le jour de ton mariage. Des centaines de personnes vont accepter le Seigneur. C'est le vœu que tu dois faire à Dieu. Tu me donnes un mari, tu me donnes une femme. Si je me marie, le jour de mon mariage, des centaines de personnes sont sauvées par l'évangile qui sera prêché. Lorsque je vais me marier, beaucoup de personnes seront délivrées de ce qu'on appelle le célibat. Parce que le message qui sera donné va délivrer, va amener la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Quel type de délivrance? Le péché originel. Vous devez commencer par remercier l'Éternel pour ce qu'il va faire dans votre vie en utilisant ce programme de prière. Pendant que tu es devant moi en train de me regarder, commence par remercier le Seigneur. Parce que tu es sûr, par la foi, Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset, par la foi, tu es sûr que tout ce que tu vas consacrer à Dieu sera consacré. Et tout ce qui n'est pas consacré à Dieu dans ta vie sera détruit. Je dis tout ce qui n'est pas consacré. La sorcellerie ne peut jamais être consacrée à Dieu. Le démon qui habite ton corps, le mari de nous ne sera jamais consacré à Dieu dans ta vie. La pauvreté ne sera jamais consacrée à Dieu dans ta vie. Tout ce qui est négatif ne sera jamais consacré à Dieu dans ta vie. Non, pas du tout. Mais tout ce qui sera consacré à Dieu dans ta vie, tu commences à remercier le Seigneur maintenant. En disant à Dieu, plante de bonnes choses dans ma vie. Et toi-même, tu commences à identifier les bonnes choses que Dieu va planter dans ta vie. Il ne peut pas planter si toi, tu n'as pas identifié. C'est important. Qu'il fasse de toi sa hache de bataille. Qu'il fasse de toi. Parce qu'il a dit à Jérémie, je t'avais établi pour faire quoi? Il dit à Jérémie qu'il avait établi pour abattre. J'avais établi pour abattre. Pour ruiner. Dieu nous a établi pour un but précis. Et il faut dire à ce Dieu maintenant que tout cela puisse s'accomplir, que toi tu sois une hache pour détruire l'œuvre des Satan, des sorciers, en tout. C'est comme ça que tu consacres ta vie. Je voudrais que je sois une hache, que je sois un outil de démolition de tout ce qui vient de Satan dans ma famille, dans ma vie, dans mon pays et dans ce monde. avec l'évangile, bien sûr. Et tu dois dire également à Dieu que toutes les blessures spirituelles dans ta vie prennent fin. Toutes les faiblesses spirituelles dans ta vie prennent fin maintenant. Par sa grâce, et il va le faire. Et tu dois aussi dire à Dieu que tout échec financier dans ta vie prenne fin tout de suite. Tout échec financier. Parce que tu ne peux pas consacrer ta vie à Dieu ayant des échecs dans la vie. Les échecs dans le mariage, les échecs dans les finances, les échecs dans la création des entreprises, les échecs dans les fiançailles, les échecs même dans la maison de Dieu, le ministère, les dons du Saint-Esprit, les échecs dans le voyage, les échecs en tout et pour tout et dans tous les domaines, que tout ce qui est comme échec, les échecs aux examens, que tout cela prenne fin maintenant. Parce que tu ne vas pas consacrer ta vie au Seigneur avec les alliances d'échecs dans le sang. Il faut que ces alliances-là soient absolument détruites. Que ça soit absolument détruit. Et puis tu commences à ordonner. Tu commences à ordonner que toute maladie dans ma vie prenne fin. Et tu es sûr que ces maladies dans ta vie vont prendre fin. Tu dis à Dieu que toute maladie dans ma vie prenne fin tout de suite au nom de Jésus. Et tu crois fermement que ces maladies, même si tu es couché à l'hôpital, si tu crois à ce que je suis en train de dire, cela va s'accomplir. Il dit, si tu ordonnes à cette montagne de se jeter dans la mer, et si tu crois à ce que tu déclares, cela arrivera. C'est ce qui est écrit. Et c'est pourquoi je te dis que tout architecte de problème, il y a les architectes de problème qui sont les démons, qui sont des sorciers dans ta vie, que tout architecte de problème qui est en train de construire, d'échafauder des problèmes dans ta vie, que cet architecte soit détruit. Et tu dois croire que chaque architecte des problèmes, des échecs dans ta vie, est déjà détruit avec ses échecs. Parce que ce sont des principaux démons et tu ne seras pas consacré à Dieu avec l'onction des échecs. Non. Et tu dois commencer à dire toi-même que tu paralyses tous les loops spirituels œuvrant contre ta vie, tous les loops spirituels, ceux qui se déguisent en brebis. Alors que c'est un loup, quelqu'un qui vient, qui fait semblant de t'aimer, alors qu'il ne t'aime pas du tout, mais il fait semblant de t'aimer. Quel que soit ce qui t'empêche d'atteindre les buts à partir d'aujourd'hui, d'atteindre la grandeur spirituelle, d'atteindre la grandeur commerciale, d'atteindre la grandeur professionnelle, d'atteindre cette grandeur dans les affaires, d'atteindre cette grandeur, l'élévation. Parce que le diable propose l'élévation dans ce que vous appelez aujourd'hui les réseaux sataniques. Oh, si tu entres, si tu seras élevé, tu vas faire, tu vas boire le sang, tu vas manger la chair humaine. Tu n'as pas besoin. Le seul sang que tu dois boire aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Et c'est pourquoi tu es invité dimanche au Dame Nation Paris, Dame Nation Yaoundé, et toutes les indications qui seront faites pour que l'élévation, pour que tu puisses atteindre ces choses, que tous les potentiels emprisonnés. Tu as tellement de potentiel. Les Africains ont tellement de potentiel. Vous voyez, quand nous quittons la terre africaine, on arrive en Europe, on excelle. On arrive aux États-Unis, on excelle beaucoup. Mais tant que nous restons sur cette terre de malédiction, quel club, quelle équipe nationale africaine qui a déjà remporté la Coupe du Monde? Rien. Les grosses têtes ont été dépouillées. Ils sont partis. Ils sont à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, de travail à la NASA, de travail à Google, de travail dans toutes les grandes firmes, les grandes sociétés du monde entier. Tu vas rencontrer les hommes là-dedans, les hommes et les femmes venant de l'Afrique. L'Afrique est le socle de la bénédiction de l'humanité. Mais l'Afrique même est en train de croupir. Ces alliances-là sont dans le sang de chaque Africain. Tant que tu vis sous le sous-sol, si tu ne fais pas la magie, tu dois vivre dans la corruption pour pouvoir manger, pouvoir acheter une belle voiture, construire une belle maison et gérer des centaines de milliards ou bien des centaines de millions. Pour avoir cet argent, il faut signer des alliances, des pactes. Consacrer ta vie consacrer tes enfants. Et c'est pourquoi nos ancêtres ont consacré nos familles, ont consacré nos vies à Satan depuis longtemps. Et puis, quand nous quittons l'Afrique, on se réfugie quelque part. Et on commence à voir un peu de lumière. Ce n'est pas une réussite totale, mais un peu de lumière. Pourquoi cela? Parce que nous changeons de terre. En changeant de terre, Dieu avait maudit la terre. Et toi, tu dois dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, la terre africaine, parce que tu es issu de cette terre, même si tu vas à l'étranger, tu es issu de la terre africaine. Si tu es français et que tu me suis, tu es issu de la France, de la terre française. La terre française qui a bu le sang des Français. Les Français qui étaient égorgés. La terre des Belges qui a bu le sang des Belges. La terre des Suisses qui a bu le sang des Suisses. La terre des Africains. Quand on dit Africain, il y a plusieurs pays en Afrique. La terre des Ivoiriens qui a bu le sang des Ivoiriens. La terre également des Camerounais qui a bu le sang des Camerounais. La terre également des Congolais qui a bu le sang des Congolais. La terre des Tchadiens qui a bu le sang des Tchadiens. La terre des Libyens qui a bu le sang des Libyens. Et toutes ces terres continuent à boire le sang. Et quand ces terres boivent le sang, et c'est un problème aujourd'hui, et c'est la malédiction qui se perpétue dans la nation. Et comme Dieu avait déjà dit que celui qui verse le sang, son sang doit être versé. Est-ce que vous me suivez? Son sang doit être versé. Et c'est pourquoi, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez que ce qui nous arrive aujourd'hui ne vient pas de maintenant. Alors, tu dois arrêter cela. Le sang qui a été versé par tes ancêtres, le sang qui a été versé par tes ancêtres depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, et le sang continue à couler dans ta famille. La sorcellerie tue, les envoûtements tuent, les imprécations tuent. Le sang coule tous les jours. Et ce sang-là doit s'arrêter à ton niveau. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi tu dois ouvrir la bouche. Et la personne qui fera arrêter, stopper ce sang, c'est toi-même, pas une autre personne. Au fur et à mesure que toi, tu persévères, je dis tu persévères à ce programme de prière, tu persévères à ce programme de prière, tu persévères à ce programme de prière, c'est ainsi que Dieu va stopper beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous. Élevez-vous. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus de Nazareth. Il doit faire son entrée dans ta vie. Il doit faire son entrée dans ton âme. Il doit faire son entrée dans tes projets. Il doit faire son entrée dans tous les domaines de ta vie. À partir de maintenant, Dieu, depuis les temps anciens, a commencé à consacrer toutes choses. Il commence par dire, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Et vous savez que Jésus est notre sabbat. Donc, tout se repose en Jésus. Puisque tu as trop cherché, mais Jésus étant notre sabbat, c'est ce Jésus-là lui-même, étant notre sabbat, qui nous demande de lui consacrer sa vie afin que ce sabbat se manifeste. Pourquoi les sorciers continuent à te détruire? Pourquoi les démons continuent à te détruire? Pourquoi les maris de nuit couchent encore avec toi? Pourquoi les femmes de nuit viennent? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi la misère? Pourquoi les gens iront en enfer? Ils confessent Jésus. Jésus lui-même a dit, ce n'est pas tout ce qu'ils me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Ce n'est pas tout ce qu'ils me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent, Jésus, Jésus, au ciel. Pourquoi d'autres iront donc en enfer, dit Jésus, Jésus, et ils se retrouveront en enfer? Parce qu'il n'y a pas eu de consécration dans leur vie. Vous ne pouvez pas consacrer un corps qui a déjà été consacré à Satan, un organe qui a déjà été consacré à Satan, l'argent qui a déjà été consacré à Satan, une famille qui a déjà été consacrée à Satan, et vous prétendez consacrer cette famille à Dieu, ça ne marche pas du tout. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, malgré leur présence effective dans l'église du Seigneur, vont se retrouver en enfer un jour. Et ainsi, lorsque Dieu revient sur ce problème, il dit, le problème de consécration, il dit, et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel. Même les champs étaient consacrés à Dieu dans l'Ancien Testament. Même les champs étaient consacrés à Dieu. Tout était consacré à Dieu. L'or était l'argent. Tout était consacré à Dieu. Il dit ceci. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter. Que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Ça veut dire quoi? On ne peut plus jamais te vendre parce que Dieu dit, donne ton corps comme un sacrifice. Donc je consacre mon corps. Tout ce que tu as consacré ne peut jamais être vendu. Tu ne peux jamais être vendu au con. Tu ne peux jamais être vendu aux femmes là si tu consacres ta vie. Ton argent ne sera jamais vendu, n'est pas vendable. Tout dans ton corps, on ne peut jamais vendre ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi qui mets ça en écrivant, ça veut dire que tu as mis ça de côté. En mettant ça de côté, rien ne peut être vendu dans ta vie. Rien. Et il ajoute, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Pas dans le monde, pas chez les païens. Mais en Israël seulement, il s'est consacré tous les premiers-nés. Est-ce que toi, tu as consacré tous tes enfants? La consécration, c'est le moment que nous faisons à l'église au huitième jour. Ou bien ceci, tu amènes l'enfant et puis tu ne connais même pas d'abord l'utilité, l'importance de cette consécration. Et tu n'as pas fait exactement ce que Dieu dit. Tu vois, et c'est pour ça que nos enfants sont d'abord têtus. Nos enfants ont des problèmes. Ils ont des problèmes de mariage. Ils ont des problèmes de malédiction. Ils ont des problèmes de travail. Et ils ont plein de problèmes dans tous les domaines. Et même les problèmes spirituels, ils ne parviennent pas à servir Dieu parce qu'ils n'ont jamais été consacrés, nos enfants. Ils ont été consacrés par les ancêtres sur les fétiches, les bois, que ce soit les forêts sacrées, que ce soit les pierres, que ce soit chez les fétichistes, chez les marabouts. Vous voyez comment Satan connaît l'importance de la consécration. Dans les cercles mystiques, ils amènent leurs enfants, étant encore petits, et ils les consacrent. Ils consacrent toutes les activités, tous les domaines de leur vie. Mais nous, dans la famille où nous sommes nés, nos ancêtres, nos parents nous ont d'abord consacrés à Satan. Il faut alors une délivrance pour que cette consécration soit détruite. Il faut d'abord une délivrance. Et quel type de délivrance il faut? Il faut le salut. Il faut le salut en annonçant la bonne nouvelle du salut à la personne. Et dès que tu acceptes Jésus, tu reçois Jésus comme ton sauveur lors des enseignements. Selon 1 Les Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 41-42, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient où? Dans l'enseignement des apôtres. Et c'est pourquoi, donc, et ces enseignements leur enseignaient quoi? Et ces enseignants enseignaient quoi? Ils enseignaient également ce qu'on appelle comment révoquer les dédicaces dans les consécrations. On doit révoquer ça. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à dire, mon sexe a été consacré par les ancêtres dans ma famille. Mon sexe a été consacré le jour que j'avais eu des rapports avec une femme qui n'était pas mon mari. Donc, je dois révoquer cette consécration au nom de Jésus. Ma main a été consacrée le jour que j'avais touché une femme d'autrui, c'est-à-dire une femme mariée. Ma main a été consacrée à la pauvreté parce que la Bible dit, si tu touches une femme mariée, ta main est consacrée à la pauvreté. Si tu touches une femme mariée, toi l'homme, ta main est consacrée à la pauvreté, à la ruine, à la ruine. Tu reçois le Seigneur. Si tu n'es pas délivré de cette consécration et si tu ne consacres pas de nouveau ta main à Dieu parce qu'il y a eu une première consécration, il faut une deuxième consécration parce que tu connais. Et si tu connais, tu consacres donc ta main parce que ta main a été, ton sexe a été consacré à Satan. Ton corps est un organe. Lorsqu'on a mis les incisions sur le visage, sur le front, le jour que ton père t'avait amené chez le féticheur, donc il a consacré ton étoile à Satan parce que c'est ici. C'est pourquoi la Bible dit 666 sera déposé sur le front et sur la main droite. Donc, c'est consacré, une façon de consacrer à Satan l'étoile. pour lever cette étoile, toi qui avais eu des incisions sur la peau, toi qui avais parlé au cadavre, Dieu peut bénir justement ceux qui sont dédiés à lui. Il est consacré à lui. Il ne bénit pas ceux qui ne sont pas consacrés. Il bénit les domaines, les magasins, les entreprises, que ce soit présents ou futurs, qui sont consacrés. Donc, c'est pourquoi il ne bénit pas ce qui n'est pas consacré à lui. Il y a beaucoup de personnes que Dieu ne peut pas bénir à cause de leur dédicace maléfique, de leur consécration maléfique. Quand ils étaient païens et Dieu ne peut pas les bénir, ils sont déjà nés de nouveau et Dieu ne peut pas les bénir. À cause de ça, seulement, Dieu ne peut pas te bénir. Il dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chroniques, chapitre 4, verset 10. Écoute ce que Jabez a crié au Seigneur. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Pour que tu ne sois pas dans la souffrance et pour que tout ceci ne t'arrive pas, c'est une consécration. Mais il y a des gens qui n'ont jamais fait ça, mais ils demandent des choses à Dieu. Vous voyez. Et pourtant, cet homme portait un nom qui signifiait enfanté avec douleur. Glorifie le diable. Ça glorifiait le diable, son nom même glorifiait le diable. Son nom signifiait enfanté avec douleur. Enfanté avec douleur. Alors que Jabez invoquait le Seigneur, il lui a entendu et a accordé sa requête. La Bible a noté qu'il était plus considéré que ses frères. Malgré qu'il fut consacré à Satan dès sa naissance, rien que par le nom, il a été consacré. Parce que le nom signifiait « enfanté avec douleur ». Donc, il a été consacré à Satan. Et maintenant, lui-même dit le contraire. « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, tu tires, tu élargis mes limites, beaucoup de magasins, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'argent, la santé, la réussite dans tous les domaines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était ça, sa consécration. Êtes-vous, avez-vous été sacrifié ou consacré à une idole, à un autel ou aux esprits maléfiques? Est-ce que votre nom glorifie Dieu? Est-ce que votre nom glorifie Dieu parce que votre nom aussi vous consacre à Satan? Rien que par le canal de votre nom vous consacre déjà à Satan, donne la permission à Satan de vous détruire. Il faut commencer à crier maintenant parce que votre nom, au fur et à mesure que l'on vous appelle par ce nom-là, ça vous consacre à Satan. Je ne connais pas, vous voyez. Donc, la Bible déclare, Nombre chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu? Autant marqué, il sera dit, quelle est l'œuvre de Dieu dans ta vie? Il faut que ton foyer soit délivré des manipulateurs. Il a été consacré et ce sont les manipulateurs qui sont là-dedans, dans ton foyer, à partir de la famille. Ils manipulent ton mari. Il y a une fille qui manipule ton mari. Il y a un homme qui manipule ta femme. Il y a des gens qui manipulent ton mari, d'autres manipulent la femme. Voilà ce qu'on appelle un foyer consacré à Satan. Lorsque l'homme ou la femme, les deux, ils sont manipulés par ceux qui ne devaient pas entrer dans leur intimité. Dans leur intimité. Que ce soit ami, que ce soit père, que ce soit frère, que ce soit sœur, que ce soit mère, ils ne doivent pas entrer dans votre intimité. Mais alors, voici ce qui prouve que votre foyer a été consacré à Satan. Parce qu'il y a eu des gens et qui continuent à entrer dans votre intimité. Même pas un homme de Dieu ne doit pas entrer dans l'intimité d'un couple. Votre couple sera consacré parce que Jésus seul est le sauveur. L'homme de Dieu vous enseigne seulement ce qu'il faut faire. Ce n'est pas lui qui doit vous dicter ce que vous devez faire. À quel moment tu dois préparer pour ton mari, ce que tu dois faire pour ton mari, ce que tu dois faire pour ta femme, comment gérer votre argent. Non, l'homme de Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, où les hommes de Dieu, les femmes de Dieu s'interfèrent à l'intérieur du foyer, le foyer est consacré à qui? À Satan. Donc pour réduire au silence les intrus sataniques dans votre mariage, ces intrus sont parce qu'ils sont entrés, pourquoi? Parce qu'il y a eu une consécration. Les problèmes principaux auxquels le monde est confronté de nos jours émanent des foyers brisés. Et le coupable principal derrière ceci est Satan, lui-même avec ses cornes, les démons. Donc, qui les manipule? Ce sont des sorciers qui les envoient. Et ces sorciers habitent avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Lors d'un rapport sexuel, tu as consacré ton mariage à Satan parce qu'il y a eu un rapport sexuel extra-conjugal qui ne venait pas de Dieu. Le seul rapport que Dieu connaît, c'est celui que tu as avec ta femme, que tu as avec ton mari. Même le rapport sexuel dans le rêve, je dis bien dans le rêve, ça veut dire quoi? Que votre foyer est consacré à Satan. Tu es marié et tu as souvent des rapports sexuels dans les rêves, c'est une consécration. Donc à partir de maintenant, tu dois arracher, tu dois détruire cette consécration et plonger ton foyer, ton lit conjugal qui est souillé par les rapports sexuels dans les rêves, ou bien des rapports sexuels réels. C'est ton lit qui est consacré à Satan. C'est pourquoi on chasse les démons ne partent pas. On finit de prier à l'église, on chasse les démons de mari de nuit, de femme de nuit. Un mois plus tard, deux mois plus tard, et parfois même le même jour, les mêmes problèmes recommencent. Donc à partir de maintenant, consacre ton lit conjugal. Consacre ton lit conjugal. Consacre ton lit conjugal. Consacre ton lit conjugal. Ô Seigneur, dans le sang de Jésus, c'est toi qui dois le faire. Tu n'es pas encore marié, mais consacre. Parce que tu vas rencontrer ces problèmes quand tu vas te marier. Parce que Anne avait d'abord consacré son fils avant l'arrivée de son fils. Et c'est pourquoi elle était obligée de reconsacrer encore. De reconsacrer encore. Que ce soit Samuel, que ce soit les grands hommes de Dieu, avant, c'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je t'avais déjà consacré. Prophète, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, tu étais déjà consacré prophète des nations, Dieu lui-même. Et quand il va naître, les hommes doivent également le consacrer. Et lui-même doit également consacrer toute activité de sa vie pour qu'il soit entièrement protégé. Pour que Dieu soit de votre côté et qu'il protège votre mariage des pouvoirs qui détruisent. Il faut donc consacrer à partir de maintenant chaque département, votre emploi, ce que vous faites, le travail de ton mari consacre. Quand ton mari sort, il faut consacrer son sexe à Dieu. Quand ton mari sort, consacre son sexe. Quand ta femme sort, consacre son sexe. Consacre ses yeux, consacre ses mains, consacre sa route, consacre tout ceci à Dieu lui-même. Et quand tu le fais, Dieu va le protéger. Même s'il drague une femme, la femme va refuser. Consacre, apprends à faire ça maintenant. Il drague une femme, la femme va refuser. Il est beau, il a l'argent, mais la femme va refuser. Parce que tu as consacré. Et Dieu ne va pas permettre que cela arrive. C'est pourquoi la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Et pour détruire les forteresses. Et c'est ce qui est réellement important maintenant de le faire. En priant sur ces points de prière, en gardant la porte effectivement ouverte. Et comme il est dit que lorsque tu as fait ça et que tu n'as pas pu consacrer, La porte reste entièrement ouverte. Entièrement ouverte. C'est pourquoi tu dois paralyser tout architecte de conflit et d'hostilité dans ton foyer. Que soit ton futur foyer, que ce soit ton foyer actuel. Tu dois paralyser. Tu dois paralyser. Tu dois paralyser. Et tu dois paralyser les petits noms donnés quand tu étais petit là. On t'avait consacré. On t'avait consacré. On t'a donné des petits noms quand tu étais petit à la maison. Il y avait quelqu'un qui t'appelait ma femme. L'autre t'appelait mon mari quand tu étais petit, toi monsieur. Et c'est comme ça que tu as été consacré à ce mari de nuit. On ne peut pas le chasser parce que tu l'appartiens. Depuis ton enfance, on a toujours dit, tu es ma femme, tu es... et la personne est morte. Mais le démon n'est pas mort. La consécration n'est pas morte aussi. Et c'est pourquoi ça reste en vigueur, la consécration, même après la mort de celui qui avait tissé la liane de sang. Mais la consécration reste en vigueur. Les petits noms qu'on donne, les noms des vedettes. Et parfois, il y a des gens qui portent les noms des vedettes. Les noms des vedettes, les vedettes, ces vedettes-là, ont consacré leur vie à Satan. Ils ont signé des pactes, des alliances avec Satan, que lorsqu'il va chanter, et tous ceux qui vont suivre sa musique, qui vont aimer sa musique, et Satan met un amour, une attirance sur cette musique, la personne ne chante même pas quoi que ce soit d'important. Mais tu vois la foule, comment les gens sont dans un délire. Il y a même des gens qui meurent le jour de son concert. Tu vois comment les filles se déshabillent. Les garçons, les gens tombent à gauche, les gens tombent à droite. On dit que ce sont les fans. Mais ces gens-là ne savent pas qu'ils sont déjà consacrés à Dieu. Et que même si l'artiste meurt, puisque la plupart donnent leur vie à Satan, vivre heureux, riche et mourir jeune. Voilà ce qu'ils font parfois. Et quand ils font ça, il a déjà consacré, même s'il meurt, vous allez continuer à aimer sa musique. Et vous allez continuer à danser. Même les enfants qui vont naître vont continuer à danser. Et ces enfants-là seront toujours consacrés à Satan. À Satan. Des noms bizarres, les noms des Égyptiens. Comme maman le dit, mon épouse, les noms des Égyptiens, on donne aux enfants, vous êtes consacrés au Dieu des Égyptiens, au démon des Égyptiens. On donne des noms bizarres, les noms des saints. Saint Matthieu, Saint Matthieu, Saint Martin, Saint ceci, Saint cela. On t'a consacré à qui? Quand je donne mon nom à un saint, à un homme biblique, quand je donne mon nom à un homme biblique, je sais que, absolument, il n'y a pas de consécration à lui. Je donne par rapport parce qu'il a servi Jésus. Ce n'est pas lui. Mais quand je donne que c'est Paul, Paul n'a pas été crucifié pour moi. Mais si je donne parce que Paul est serviteur de Dieu, là ça marche. Mais si je donne parce que c'est Paul, j'estime Paul. Paul devient une idole pour moi. J'ai consacré mon fils à Satan sans le savoir. Mais c'est lorsque je veux donner, Paul était un serviteur de Dieu. Et j'adore le Dieu de ce Paul-là. Et ça dépend de l'esprit qui m'anime quand je donne. Et quand tu vois, il y a des gens qui donnent les noms des grands footballeurs, mais ils ne connaissent pas la vie de ce footballeur. Il a fait comment pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui? Il a signé des alliances avec Satan. Et puis tu prends ton nom, tu donnes. Ou bien tu te fais appeler, comme moi auparavant, quand j'étais à l'école primaire, on m'appelait Salif Keita. J'aimais tellement ce joueur, Salif Keita. Mais je ne savais pas du tout qui il était. Je voyais comment il n'y avait même pas la télévision à l'époque. Et puis, chez nous, oui, il y avait télévision dans le monde, mais au Cameroun, il n'y avait pas de télévision. Jusqu'à 1900 combien là, où la télévision, nous sommes déjà à la veille même de 90, à la veille que nous allons entrer dans les années 90. C'est en ce moment-là que la télévision, c'est 80 combien que la télévision est entrée au Cameroun, je ne sais plus. Mais Salim Keita, c'était à la radio. Quand j'entendais la radio, Salif Keita, Salif, Salif, Salif, Salif, Salif, il a dribblé, il est tombé. Et puis j'étais content, Salif Keita, Salif Keita. Et puis j'ai pris ce nom-là, j'ai dit, moi je m'appelle maintenant. J'écrivais sur mes culottes, j'écrivais sur mes habits, sur mes t-shirts, avec le bic, avec les feutres. Et je portais ce nom-là, Salif Keita. Il y a des louanges aujourd'hui, toi qui as, mais tu as consacré au Dieu de ce musicien-là. Vous aviez entendu des témoignages de ceux qui ont joué à la musique et ceux qui ont fait la magie pour devenir célèbres dans la musique. Vous aviez entendu les démons qui les ont utilisés. Et c'est pourquoi la plupart parmi vous ne peuvent jamais se séparer. Se séparer, je dis bien se séparer de cette musique. Elle est écrite au fond de ton âme. Tu es même à l'église, tu chantes. Au fond de ton âme, pour se séparer de ces démons, c'est difficile. Parce que tu as été consacré sur l'autel de ces démons, sur l'autel de ces musiciens, là où il offrait des sacrifices, des victimes à son Dieu. Et ces victimes, c'était toi qui avais dansé. C'est pourquoi tu dois de nouveau consacrer ta vie au Seigneur. Si tu ne le fais pas, ces démons vont te récupérer. Vont récupérer parce que ce sont des démons de gaspillage. Comme dans le football, comme dans la musique. Qu'est-ce que tu tires de ça? Dans le football, tu gagnes quoi? Rien. Mais c'est eux, parce qu'eux, ils sont des agents. La plupart sont des agents. Comme ils livrent des victimes à Satan, Satan leur verse de l'argent. Et toi, tu es là. Tu meurs à cause d'eux. Tu dépenses ton argent. Tu fais tout ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, le football, le hand et les autres choses de distraction sont devenus réellement des idoles. Des noms, des vedettes que tu portes, la musique que tu as dansée et tout ce que nous sommes en train de faire. Tu dois d'abord détruire et consacrer ta vie maintenant. Toi qui as dansé, tu allais au bal, tu dansais jusqu'à ce que tu transmettes. Tu vas, il y a des chrétiens qui vont encore en boîte de nuit. Dans les boîtes de nuit, les chrétiens vont, soi-disant chrétiens, mais ils vont en boîte de nuit, ils quittent l'église, ils vont en boîte. Ils quittent l'église, ils vont en boîte de nuit. Et tu trouves ça normal? Tu vas consacrer. Quand moi j'étais dans de ce côté-là, tout ce qui en boit de nuit, il y a des gens qui ne sont pas de ce monde, mais qui dansent avec vous. Et parfois qui habitent même à côté de vous, qui ont la physionomie. Tu le rencontres un peu jour, tu habites avec moi dans le quartier, mais il ne vit pas dans ce monde. Il peut même vivre à côté de toi, il loue une maison. Mais c'est ce genre qu'on appelle des revenants, les démons en chair. Ce sont des démons en chair. Il peut avoir des rapports sociaux avec toi. Il peut manger avec toi. Il peut faire tout ce que tu veux avec toi. C'est un homme, il couche avec toi. C'est une femme, il y a des rapports sociaux. Il y a des esprits qui viennent. Ils entrent même dans l'église avec un corps normal. Elle s'habille parfaitement. Mais c'est une belle fille. Mais elle n'est pas de ce monde-là. Et vous côtoyez ces gens tout le temps. Tous les jours, vous les côtoyez. Mais vous ne saurez jamais que réellement ce genre ne vive pas avec nous dans ce monde. Si tu es t'invite au restaurant, il te consacre à son Dieu, la nourriture que tu manges, comme vous aimez la nourriture, l'argent qu'il va te donner, l'argent qu'il donne à l'église, cet argent, l'argent de l'église est déjà consacré, il est à l'église physiquement, parce que ces gens de démons ne peuvent jamais entrer à l'église spirituellement, mais ils entrent physiquement, dans un corps précis, ils commencent à travailler sur les filles, c'est ce genre de personnes. Et entre dans une église, couche avec toutes les filles. Parce qu'ils savent que les filles aiment le mariage, ils veulent le mariage. Il va fiancer telle, va fiancer telle, va fiancer telle, va fiancer telle. Il quitte cette église-là, il va dans une autre église, va fiancer l'autre, va fiancer l'autre, va fiancer l'autre. Ils sont sur Facebook, ils sont également, même les femmes mariées couchent avec parce qu'il a l'argent. Couchent avec les femmes mariées, séduisent les femmes. Tout le monde entre dans cette consécration. Ils vous consacrent tous à Satan. Et comme vous avez aussi des copains qui vont coucher avec vous, des copines qui vont coucher avec vous, tout le monde, c'est tout un cortège qui est consacré à Satan. Je dis tout un cortège de personnes qui est consacré à Satan dans une église. Et ainsi, le mariage, les enfants qui vont naître dans cette famille, vous savez que ces enfants-là sont quoi? Ce sont des enfants consacrés également à Satan. Et je le dis dans mon livre de témoignage. Au cours d'un funérail dans mon village, après avoir été initié, j'ai été initié comment? J'ai été initié parce que je trouvais que la sorcellerie était normale dans mon village. Parce qu'on parlait de ça, tout le monde allait chez les féticheurs, chez les marabouts. Et je ne savais pas auparavant, avant d'être initié, quel est le pouvoir, la puissance que les marabouts utilisent. Comment ils consacrent les gens? Ils consacrent les gens à Satan, les marabouts et les féticheurs. C'est bien après, lorsque j'avais été initié, parce que mon père, ma mère étaient détruites, alors que ces deux-là appartenaient soi-disant à une église, à des églises différentes, l'église catholique, l'église protestante. Mais leur Dieu ne les a jamais protégés. Or, quand tu reçois le salut, tu deviens intouchable. J'ai dit intouchable, personne ne peut te toucher. Quand tu reçois le Seigneur, dans la vérité que tu reçois le Seigneur, le péché originel est détruit, les anges de malédiction adamique sont détruites parce que tu as révélé, tu les as identifiés et tu invoques le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare, quiconque invoquera le sang du Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Quel est le démon qui peut te toucher? Quel est le démon qui peut t'envoûter dans le monde? Quand tu reçois Jésus dans la vérité, Jésus dans la vérité, ce n'est pas la loi, mais la vérité qui est dans les principes du Seigneur, comment on le reçoit? Comment on devient enfant de Dieu? Quel est le petit sorcier du monde? Dans mon pays, là au Cameroun, au stade, le stade est rempli, je lance des défis à tous les sorciers. C'est pourquoi le sorcier est capable seulement de mentir, parce que leur père, c'est le père du mensonge, de mentir sur un homme de Dieu, de raconter des bêtises, c'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut rien faire d'autre. Le sorcier ne peut rien faire d'autre. Il va m'envoûter, il va passer par quelle voie? Il va t'envoûter, qu'il va passer par quelle voie? Il ne peut même pas envoûter ton enfant si tu as cette foi, si tu crois à ce que Jésus dit. En plus que tu consacres, tu prends la décision de consacrer chaque activité, chaque domaine de ta vie, de consacrer parce que tu ne connaissais pas. Mais quel diable qui va te toucher? Quel démon qui va te toucher? C'est pourquoi Dieu prenait soin de consacrer. Il dit, ceci doit être consacré, c'est pour moi. Quand c'est déjà consacré, quel est le démon qui peut toucher? Quel est l'esprit qui peut te toucher? Quel est le petit démon? J'ai dit le petit démon qui peut te toucher. C'est pourquoi aujourd'hui, je brise la puissance de toute manipulation maléfique façonnée contre toi, contre tes projets, contre ta foi. Contre ta foi parce que le démon sait qu'il est écrit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et le démon fait quoi? Il détruit d'abord ta foi, il détruit d'abord ta confiance en Dieu. Et dès qu'il réussit à détruire ta confiance en Dieu, c'est fini. Il a le pouvoir de te dominer, il a le pouvoir de t'anéantir. Et c'est pourquoi les sorciers, ils font beaucoup plus de bruit pour faire peur. Et comme ils savent que l'homme a toujours peur, et quand tu as peur, à partir de cet instant, c'est fini. Dans mon village, lorsque j'avais envoyé le sang, ça c'est la consécration. On m'avait demandé le sang. Pourquoi le sang? Et j'ai mis le sang sur le bout de papier rouge qu'on m'avait envoyé depuis l'Europe. Le siège de cette société secrète se trouvait à Grenoble. Je suis en France, non? Je dis bien à Grenoble. Le siège de cette société secrète se trouvait à Grenoble. Et ils me disent, tu envoies ton sang. C'est-à-dire, tu es en train de consacrer ta vie. Est-ce que tu sais que chaque incision qui avait touché ta vie, incision d'un féticheur, d'un marabout, et le sang a coulé, il a fait l'incision de la lame. Tu as consacré ta vie à Satan. Consacrer ta vie à Satan. Même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens portent les incisions alors qu'ils avaient consacré leur vie à Satan. Ils n'ont jamais de nouveau consacré leur vie à Dieu, disant, confessant d'abord que on m'avait fait des incisions, donc ma vie avait été consacrée à Satan. Et puis maintenant, comme on m'avait consacré à Satan à cause de ces incisions, aujourd'hui, ma vie doit de nouveau, mon sang qui avait coulé doit de nouveau être consacré à Dieu. Et là, la première alliance est brisée et la deuxième alliance est établie. Et quand tu bois dans le sang de Jésus, en buvant le sang de Jésus, c'est fini. L'alliance avec Dieu est scellée. Et scellée, qui peut encore faire quoi dans ta vie? Vous voyez, et c'est ainsi, dans ce village-là, ma grande sœur qui était la première allait chez les féticheurs. Le jour que je mets pied chez un féticheur, étant déjà engagé dans le système. C'est ce jour-là que j'ai vu véritablement la manipulation. Le féticheur en question s'appelait qui? Owona Satan. Satan veut dire quoi? Satan, non? Owona Satan, il s'appelait c'est. On est à moins de 3 km, 4 km de mon village. Tu traverses seulement l'Oignon et tu te retrouves chez lui. Et comme le nom l'indique, il s'appelait réellement Satan. Les manipulations que ce garçon faisait sur mes parents, les frères, les sœurs, les cousines et tout ce monde-là. Mais quand tu regardes aujourd'hui la manière que ces gens sont morts à partir du nion, j'ai dit bien à partir du nion jusqu'à la manière qu'ils sont morts, tu comprends qu'ils avaient été réellement consacrés à Satan. la manière qu'ils étaient morts, encore très par rapport à ce que tu avais fait. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais fait par rapport à ce que tu avais fait? Toi-même, tu sais ce que tu avais fait chez les féticheurs. Et c'est toi-même qui te dis, j'avais consacré ma vie. Je suis allé voir un féticheur, ça ne marchait pas. Je suis allé voir un féticheur, je suis allé voir. Et il faut signaler également, il faut également citer ce qui t'a amené chez le féticheur. Parce que c'est ce domaine-là qui a été consacré à Satan. Qu'est-ce qui t'avait amené? Et c'est pourquoi tu dois récupérer ce domaine en le consacrant à Dieu. Tu dois le récupérer parce que tu l'avais déjà consacré. Je suis là, j'ai amené mes enfants chez un féticheur parce qu'ils avaient problème. Chez un marabout, chez un magicien que j'ai même fait venir à la maison parce qu'ils avaient, il y avait tel problème. J'avais consacré mon mariage parce que j'avais tel problème avec mon mari. Mon mari ne m'aimait pas, mon mari ou bien ma femme. Ou bien, j'avais consacré mes enfants à Satan en les emmenant chez les féticheurs. C'est toi. Et tu dois expliquer aux enfants ce pourquoi tu les as amenés. Et si ces enfants ont des problèmes aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens ont de ces problèmes. Le diable, lui, connaît ce qu'on appelle consécration. Il connaît l'importance de la consécration. Mais nous, on ne connaît pas. On ne connaît pas du tout. Dans les magasins, est-ce que vous savez que ces gens-là nous consacrent? Quand vous entrez dans un magasin, les encens qui sont allumés, ils vous consacrent à Satan, mais vous ne le savez pas. Il vous a consacré. Mais si votre corps n'est pas consacré à Dieu, il va prendre votre argent, il va prendre votre étoile. Si votre étoile, parce que ce n'est pas le corps physique qu'il consacre, il consacre même l'argent que vous remettez à ce monsieur pour acheter vos articles. Il consacre votre argent à Satan. Et c'est pourquoi il vole. Vous savez que même dans les tiroirs, même dans les caisses, il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous donnez votre argent, vous laissez les empreintes sur les billets de banque. Vous laissez les empreintes sur les billets de banque. D'partout. Et n'en parlons plus, le nouveau système 666 qui vient de sortir avec les cartes bancaires. C'est vraiment 666. Tu n'achèteras pas au marché. Et ça a commencé spirituellement. C'est la consécration. Aujourd'hui, tu vois les gens vivre crédit sur crédit parce qu'ils ont été consacrés à Satan. Crédit sur crédit. Vous êtes tellement crédit sur crédit, on vous fait la publicité et tu t'engages, tu donnes ton argent, la carte bancaire, ainsi de suite, les puces à gauche, les puces à droite, le téléphone, alors c'est grave. Quelqu'un peut te consacrer à Satan par le téléphone. Il t'appelle. Rien que par Facebook, on peut consacrer ton image à Satan. Par Facebook, on consacre ton image. On prend ta photo, on consacre à Satan et tu commences à avoir des problèmes sérieux. Ça, demain, je reviendrai là-dessus. Et quand la Bible dit, il va animer l'image. La période est arrivée où l'image est animée. L'image, c'est quoi? C'est Facebook. Ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux, ce qu'il appelle, il va animer l'image. Dans les derniers temps, Satan va animer l'image. Regardez les dégâts que Facebook est en train de pas seulement Facebook, les réseaux sociaux. Et nous autres, on abandonne les réseaux sociaux entre les mains de Satan, entre les mains de ses agents. Ils viennent seulement saboter. Tu arrives là, il y a des serviteurs de Dieu qui ne prêchent jamais l'évangile. Dieu m'a montré l'épouse de telle personne. Dieu ne te montre pas d'abord ta femme qui est soumise à toi, toi qui couvres ta femme spirituellement. Il va te montrer seulement ma femme. Tu vois le mensonge que les gens fabriquent aujourd'hui. Il va te montrer la femme de quelqu'un et tu vis à des centaines de kilomètres. Comme tu connais ta relation, tu dis, Dieu m'a montré maman Dédé. Dieu t'a montré, pourquoi il ne te montre pas ta propre femme à toi? Maman Dédé est sous la couverture de son mari. Et chaque femme est sous la couverture de son mari. Elle est d'abord sous la couverture de son mari avant d'être sous la couverture de son père spirituel. Elle est d'abord sous la couverture de son mari. Et dans cette ignorance, et les gens s'engagent à dire des choses, des conneries, des mensonges. Il m'a montré ça, il ne t'a rien montré. Ce sont des inventions, des conneries qui n'ont pas de sens. Et les gens croient ça, et quand tu crois ça, tu es consacré, automatiquement consacré. Les prophètes à gauche, les prophètes à droite, les prophètes qui ont l'esprit de Python, qui font la magie, c'est-à-dire la magie pour voir. Ils vont laver leurs yeux dans la mer, ils mettent des choses dans les oreilles, Les démons parlent, les démons leur annoncent ce que vous voulez entendre, voilà. Et c'est comme ça que tous ceux qui vont d'un prophète à l'autre, d'un prophète à l'autre, d'un prophète à l'autre. Quand je parle du temple en Grande-Bretagne, lorsque j'avais été initié, j'ai vu des grands prophètes, des grands pasteurs, des grands prêtres, ce qu'on appelle des prêtres, des archevêques, tout ce monde-là, qui consacrent, parce que vous allez les consulter, ils vous consacrent à Satan, mais vous ne savez pas. Vous allez les consulter parce que vous voulez qu'ils puissent résoudre vos problèmes. Par ce qu'on appelle le serpent, Actes chapitre 16, verset 16, la fille qui avait un esprit de sorcellerie, un esprit de python, elle consacrait tout ce qui venait la consulter. Elle était capable de les consacrer à Satan, tout ce qui venait la consulter. C'est pourquoi j'ordonne à tous les dégâts causés dans ta vie par la liste des prophètes que tu as rencontrés. Les prophètes, les faux pasteurs, les féticheurs, les marabouts, la tradition, les coutumes. Cette liste-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette langue du serpent qu'ils ont prophétisé, les prophéties démoniaques, les sorts, les malédictions que tu as reçues, tu as été ensorcelé. C'est pourquoi ils peuvent te manipuler. Ils vont te dire que c'est ton mari qui a fait ça. Ils vont te dire que c'est ta mère qui fait ça. Et tu crois ça sans réfléchir. Et tu es donc manipulé à tout moment. Tu as consacré ton mariage, tu as consacré ta santé, tu as consacré ta vie à Satan en allant consulter tout ce monde. Et c'est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les confessions négatives qui sont sorties de ta bouche, voilà ce qu'on appelle la consécration. Tu as consacré ta vie par les confessions négatives. Dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 3, Jacques nous avertit que la langue est un petit membre dans notre corps et il se vante de grandes choses. Il parle de notre langue. L'épître de Jacques, juste après la lettre aux Hébreux. Vous allez tomber dessus et vous allez voir ce que Jacques enseigne au chapitre 3. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent des faux enseignements. Tu as suivi quelqu'un qui t'a consacré à Satan parce que cette personne disait des choses vraiment aberrantes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il te dit, n'est pas donné la dîme. Il te dit de désobéir. L'église n'est plus. L'église des quatre murs n'est plus. C'est l'église. Toi, tu dois le suivre. Toi, tu dois faire ceci et tu l'écoutes. Tu as consacré ta vie à Satan sans le savoir. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir son corps en bride. C'est un homme parfait qui ne bronche point en parole. Mais toi, tu as bronché en parole. Tu as prononcé des paroles. C'est comme ça que tu as consacré ta vie à Satan sans le savoir. Toute parole qui était sortie de ta bouche. Et toi-même, tu as livré ton enfant. Tu as livré ton mariage pendant que tu étais dans la colère. Et tu as dit à ton mari, je ne pense pas qu'on va finir ensemble. Et tu as même jusqu'à prononcer des paroles pour maudire ton propre foyer. Ça veut dire que tu as livré ton foyer à Satan. Et tu as dit, aujourd'hui, moi, je sais, nous ne sommes plus mariés. Et tu as sorti cette parole dans la colère. Que aujourd'hui, là, moi, je pense que nous ne sommes plus mariés. Et tu as commencé effectivement à se comporter comme une femme libre, comme un monsieur libre. Et tu as consacré ton mariage à Satan. Quoi que tu fasses aujourd'hui, si tu ne consacres pas de nouveau ce mariage, si tu ne renouvelles pas, même si vous étiez marié, tu ne renouvelles pas ces choses, mais c'est fini pour toi. Je dis bien c'est fini pour toi, c'est pourquoi. Il faut donc renouveler. Et voici la parole de Dieu. Il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du prophète, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps. Nos membres qui souillent tout le corps. Quand le corps est souillé, il est livré à qui? C'est à Satan. C'est à Satan qui souille tout le corps. La langue que tu as dans la bouche, qui souille tout le corps. Et il ajoute toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue est pleine d'un venin mortel. D'un venin mortel. Tout ce que tu avais sorti dans ta bouche, et ce venin est en train de te tuer à petit feu aujourd'hui. Les paroles mauvaises que tu avais prononcées sur ton mari, que le mari avait prononcées sur toi. On voit Jacob qui prononce des paroles sur Rachel. Victime de son père. Et Jacob va dire que la personne qui a volé meurt. Et ce qui est arrivé à Rachel, bien après, et elle est morte. Il avait sorti cette phrase. Elle avait livré sa propre femme à Satan. Ton mari t'avait livré à Satan sans le savoir, dans un esprit de colère. Toi aussi, tu as livré les enfants. Tu as livré ton propre foyer à Satan sans le savoir. On avait un problème de connexion, Connectez-vous, partagez encore. C'est un petit problème de connexion. Donc, je disais, ta bouche qui avait livré à Satan, tout ton corps, ton âme, ton esprit, qui a livré ton argent, tes entreprises. Nous allons revenir là-dessus demain, comment Satan fait. Et c'est pourquoi les sorciers provoquent beaucoup, pour que tu livres. Les sorciers créent des problèmes, pour que tu livres toi-même, tu consacres toi-même. Beaucoup de choses dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les parasites qui se nourrissent de tes paroles, tous les démons qui se nourrissent de tes paroles, il y a beaucoup de doutes qui se nourrissent de tes paroles, les paroles négatives qui sortent de ta bouche. Tu as consacré beaucoup de choses dans ta vie à Satan. Tous les démons qui se nourrissent de tes paroles, ils sont déjà neutralisés au nom de Jésus-Christ. Tu connais des problèmes à cause de cette confession. Tu as confessé beaucoup de choses négatives dans ta propre vie. Et ta vie n'est pas un terrain fertile pour faire développer le mal. Mais ta vie est devenue aujourd'hui un terrain fertile pour faire développer le bien. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je décrète la restauration. La restauration. Je décrète la restauration. Je décrète la restauration. Je décrète la restauration. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je décrète la restauration. Par le sang de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui désirent un nouvel emploi, tout ce qui est nouveau, tu veux changer pour que tu entres dans une nouvelle dimension. Tu veux entrer dans une nouvelle dimension pour ceux qui sont fatigués du chômage, qui sont fatigués de tourner en rond, qui sont fatigués de leur bureau. Tu veux un nouveau bureau, tu veux une nouvelle voiture, tu veux une nouvelle vie, une nouvelle relation avec Dieu pour aller au ciel. C'est la consécration d'aujourd'hui. Je veux une nouvelle vie, une nouvelle chose. Pas un nouveau mariage, mais je veux une nouvelle vie dans mon foyer. Une nouvelle relation avec mon mari. Une nouvelle relation avec ma femme. Une nouvelle relation avec mes enfants. Tout ce qui est nouveau doit tomber dans ta vie à partir d'aujourd'hui. C'est une consécration. Tout ce qui est nouveau, une nouvelle santé, c'est la consécration d'aujourd'hui. Une nouvelle santé, une nouvelle relation, une nouvelle vie spirituelle remplie de victoires, une nouvelle protection venant de Dieu. S'il avait déjà envoyé 2 anges, 3 anges pour toi, il va envoyer 50, il va envoyer 100. C'est une nouvelle relation avec Dieu. Il dit, vous sèmez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. À partir d'aujourd'hui, tu vas te rassasier. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. À partir d'aujourd'hui, tu seras désaltéré par la puissance du sang de Jésus-Christ. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le sang de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Ce ne sont pas tous les emplois qui sont rentables. À partir d'aujourd'hui, un nouvel emploi. Je dis à partir d'aujourd'hui, un nouvel emploi. Une nouvelle relation financière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui doit se manifester d'une manière particulière. Je dis d'une manière très, très particulière. Vous devez tout simplement prendre l'engagement d'avoir une nouvelle relation avec Dieu. S'il y avait des choses qui t'empêchaient d'avoir cela, par exemple, la Bible parle de la repentance de tous les péchés connus. Cherchez dans les Écritures saintes les passages qui vous promettent votre désir. Et quel est le désir? Méditez ces passages. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est seulement la prière qui est quelque chose, mais méditer la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. La tête dans une nouvelle vie spirituelle, dans une nouvelle relation avec Dieu. Ce n'est pas seulement le matériel terrestre, mais demande une nouvelle relation avec Dieu. La Bible, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée de renouveler. Il a renouvelé l'alliance. C'est un renouvellement. À partir d'aujourd'hui, il y aura un renouveau spirituel dans ta vie. Le cœur du roi est un courant d'eau, dit la Bible, dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Donc le cœur de ton mari est un courant d'eau. Il va incliner le cœur de ton mari. C'est une consécration, celle de ce soir. Il va incliner le cœur de ton patron. C'est une nouvelle vie. Il va incliner le cœur de ton ministre, le cœur du président. Il va incliner le cœur de n'importe qui dans cette vie. Et c'est une nouvelle relation avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est éteint. Vous voyez, celui qui recherche le bien. Donc à partir d'aujourd'hui, en toute chose, commence à rechercher rien que le bien. Ne recherche pas du mal à qui que ce soit. Ce qui peut sortir de ta bouche, c'est seulement ce qui est bien. Dans le livre de Psaumes, il dit, « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire, l'homme. » Il a fait de l'homme de peu inférieur aux anges, il a couronné l'homme de gloire. Pendant que tu es encore sur la terre, tu es couronné de gloire, mais tu ne le sais pas. Mais tu fais toujours sortir des paroles tellement négatives, amères contre toi. Et pourtant, Dieu sait qu'il t'avait couronné de gloire, toi. Éphésiens chapitre 3, verset 19 dit, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. » Il faut demander à Dieu que l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance se manifeste au fond de ton âme. Jésus t'aime jusqu'à... Il y a des gens qui confessent un seul péché 10 fois, 100 fois. Ils ne croient pas qu'il ait déjà été pardonné. Même s'il est sorcier, il y a des gens aussi, des sorciers qui rappellent toujours le péché. Dans la maison où tu habites, on te rappelle le péché que tu as commis il y a cela 10 ans. Ça, c'est une consécration. On t'avait consacré à Satan. On te rappelle. Et si tu ne parviens pas à pardonner et que toi, tu fais l'œuvre de Satan, tu rappelles toujours des péchés aux gens. Ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Et Daniel dit, et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès des princes et des eunuques. Dieu fit trouver à Daniel faveur. Il va te faire trouver faveur devant les ministres, devant les personnalités de ce monde. Tu auras une faveur que tu n'as jamais compris, que tu n'as jamais eue depuis que tu existes. C'est une consécration. Dieu te fait trouver une faveur que tu n'as jamais eu depuis que tu existes. Et il dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Non, c'est pas au niveau de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, du féticheur, du marabout, des buveurs de sang, du mangeur de la chair humaine et tout ce monde-là. Non, des traditions et des coutumes, les crânes, ceux qui adorent les crânes au Cameroun. Non, l'élévation vient de Dieu lui-même. Et c'est lui qui a élevé Anne. La Bible dit qu'Anne a eu 5 autres enfants après avoir sacrifié le premier qu'elle avait eu. Et c'est comme ça qu'elle a touché le cœur de Dieu. Elle a touché le cœur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, apprends aussi à toucher le cœur de Dieu. Remercie le Seigneur parce qu'il est le seul capable de vous avancer. Le seul capable de vous protéger. Le seul capable de vous avancer. Et rejette l'esprit de la queue. Rejette l'esprit de la queue. Tu es consacré comme tête aujourd'hui. Mais tu n'es plus consacré comme la queue. En tout, tu es le premier. Ne dis pas que, oh oui, ceux qui s'habillent dans les prêt-à-porter, moi je vais dans les friperies. Arrête ce genre de pensée. Toi, tu vas dans les friperies. Tout ce que tu as dans la maison, c'est friperie. Non. Arrête de dire que ceux-ci sont riches et moi, je suis pauvre. Moi, je ne suis pas riche. Arrête de dire des conneries comme ça. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle, tu as consacré ta richesse à Satan. Et c'est comme ça que Satan vole les enfants de Dieu. Il vole l'argent des enfants de Dieu. Lorsque vous allez, c'est pourquoi les enfants de Dieu de nos jours, tu portes un beau costume. Tu portes un beau costume, on dit non, c'est pas une bénédiction, il est déjà sataniste. Tout ce que tu as une belle voiture, on dit non, il n'est plus enfant de Dieu, il est déjà sataniste. Mais ça, c'est la sorcellerie, c'est toi qui es sorcier. Donc, tout ce qui est beau dans le monde appartient à Satan. Et tout ce qui est vilain appartient à Dieu. Mais est-ce que tu es normal dans ta petite boîte crânienne? Je ne pense pas vraiment que tu es normal. Tout ce qui est beau appartient à Dieu et c'est pour moi. Et si tu dois le dire, apporte réellement une consécration dans ta vie avec Dieu. Tu consacres l'entreprise. Tu dois manger l'argent de tes entreprises. Tu dois manger l'argent de ta sueur que tu verses là tous les jours. Tu dois manger tout ce que tu sèmes. Tu dois manger. Les autres ne viendront pas manger après ta mort. Que toi, tu souffres et les gens viendront manger. Non. J'ai souffert dans le ministère. Je dois manger. Ce n'est pas que je vais mourir et puis quelqu'un d'autre viendra s'asseoir. Il commence à manger. Non. Je refuse cela. C'est une consécration ce soir. Moi, je refuse ça, Charlie Somba. Je refuse ça. Que moi, je meurs après avoir travaillé et quelqu'un viendra s'asseoir pour manger. Oh non, non, non, non, non. Ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Dans ton entreprise, ça n'arrivera jamais. Dans ton foyer, tu ne mourras pas. Et que quelqu'un, une autre femme, vienne s'asseoir pour manger. Ou bien un autre homme vient s'asseoir avec ta femme pour manger. Non, c'est une consécration de ce soir. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Et ça sera comme ça dans ta vie. Personne ne pourra faire les controverses non rentables. Tu n'es plus dans les controverses non rentables. À partir d'aujourd'hui, que ce soit les collaborateurs maléfiques, aujourd'hui, cette consécration est détruite. Même si tu as des usines, tu as des employés, tu n'auras pas de collaborateurs maléfiques par la puissance satanique qui vont voler ton argent, qui vont voler tes étoiles, qui vont voler ceci. Il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus de lourdeur d'esprit. Il n'y aura plus de lourdeur d'esprit. Quand tu vas commencer à prier, ça sera comme le tonnerre. Quand tu commences à prier, ça sera comme le tonnerre. Tu vas commencer à aimer lire la Bible, à aimer lire la parole de Dieu. Et tu ne seras jamais en retard à l'église. Et tu vas toujours chercher à suivre les prédications. À suivre, tu dis, il est déjà 20h. Papa a dit hier que ça commence. Et même si tu es dehors, tu cours parce que tu as consacré. Et Dieu met le sucre. Il met tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses l'aimer plus que tout, selon les commandements qu'il avait donné à Moïse, les 10 commandements. Il dit, aime ton Dieu plus que tout. Aime ton Dieu plus que tout. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment plus Dieu de cette façon. Et c'est pourquoi nous avons tous ces problèmes. Je réclame la position de tête dans ta vie. Je réclame la position de tête et non plus la queue. Je réclame, voilà la consécration. Je réclame la position de tête dans ta vie par la puissance du sang de Jésus. Je réclame cette position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux de ton mari, tu es la première. Aux yeux de ta femme, tu es le premier. Aux yeux de Dieu, tu es le premier parce que Dieu t'aime plus que tout. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui a de meilleur dans le monde, n'est-ce pas, c'est pour toi? C'est ce que Samuel avait dit à Saül. Tout ce qui a de meilleur en Israël, n'est-ce pas, c'est pour toi? Tout ce qui a de meilleur dans le pays où tu vis, c'est pour toi. Tout ce qui a de meilleur dans le pays où tu vis, c'est pour toi. J'ai dit tout ce qui a de meilleur dans le pays où tu vis, c'est pour toi. L'Éternel, il doit se dépêcher à chaque fois que tu ouvres la bouche, que tous les adversaires de tes percées soient disgraciés, soient détruits. Tous les adversaires de tes percées, tous les domaines, concurrents dans les affaires, concurrents dans la vie professionnelle, concurrents dans le mariage, concurrents dans les voyages, concurrents même dans les ministères, parce que même dans le ministère, nous avons des concurrents. Et tous ces concurrents-là, parce qu'il y a Satan qui suscite ses serviteurs. À partir d'aujourd'hui, chaque concurrent dans ta vie, dans tes activités, est déjà abattu, est déjà écrasé. Et toi, tu vas toujours lever la tête au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Avec notre net, c'est pourquoi nous repartons. Et demain, mais chaque soir, c'est comme ça. Chaque soir, c'est comme ça. À partir de 21h, heure de Paris, les choses, les projecteurs s'allument. Je dis bien les projecteurs s'allument. À partir de 20h, heure de Paris, et la machine de consécration prend le relais. Et c'est pourquoi, dans dimanche, on doit être là, tous, autant de nations Paris, 8 rue des Gaillards, au 95-140, Gage des Gonesses. Et n'oubliez pas, la grande rencontre du 15 au 17, vous devez d'abord appeler pour réserver votre place. 15 au 17 novembre, pour réserver votre place. Et je ne pense pas que toi, tu viendras avec un problème, des problèmes, et que tu vas repartir avec ces problèmes. Aussi vrai que Jésus est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, c'est ainsi que chaque domaine de ta vie sera également ressuscité. Et là, nous sommes le 5 et le 6 à Lyon. Nous sommes en France, à Lyon, c'est le lancement de ce grand ministère dans la ville de Lyon. Le 5 et le 6, et vous allez voir l'adresse, le 5 et le 6 octobre, parce que je parle octobre et novembre. Octobre, c'est dans quelques semaines. Novembre, c'est plus d'un mois. Donc, 15 au 17 novembre, ça sera la retraite. Ok, le réseau revient. Des petits problèmes vraiment avec ces réseaux aujourd'hui. Des petits problèmes, mais ça revient et ça part, ça revient. Des petits problèmes. Et comme je le disais, j'étais déjà en train de conclure pour dire que le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait déjà consacré l'argent, l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Il a consacré à l'Éternel. Et c'est comme ça que nous nous engageons aussi à consacrer tout dans notre vie. Et dimanche, on doit boire le sang de Jésus. Dimanche, pour consacrer, pour sceller tout ça, on doit boire Jésus. C'est dimanche. Et chaque dimanche, également au temple de nation, chaque jour au temple de nation, Yaoundé, et les autres temples de nation, parce que Douala nous suit, Libreville, et les autres, les enfants spirituels, entrer dans cette... Et prier également pour moi, prier, par la puissance du sang de Jésus-Christ, et Dieu fera des miracles au cours... Nous sommes au cinquième jour. Ça sera sixième jour demain, et chaque soir, à partir de 20h, soyez toujours connectés et partagez.